Déjà fumé de la banane, oui. Est-ce que tu as déjà fumé de la banane? Tu as déjà fumé, yeah. Tu fumes l'air de la forêt. Tu fumes l'air de la forêt. Tu fumes l'air de la forêt. Vaut mieux la laisser. Tu fumes l'air de la forêt. Tu fumes, tu fumes, tu fumes. like to know. You smoke the street. You smoke the street. La forêt, putain, arrête mec, arrête de fumer la forêt. Pourquoi? Why? Why? Tu fumes la forêt, tu fumes la forêt, tu fumes la forêt, tu fumes la forêt. Celui-là, il est pas mal, ce truc. Attends. Je vais garder cette boucle. Oh coco, il est parti. Salut Phil. Yeah.